ese rato. Que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipo como tú. Mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Someone else all my time. Maybe I should go. Maybe I should give it a smile. Grit my teeth and bear it. Oh, it's been a while. Didn't even really wanna go. I'm much better on my own. I know I just wanna go. Cause baby, I'm not the best. Boy, you're missing out on the zest. I don't think I'll be taking that quest. So I'll be swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. Stain on your vest. Yeah, you're really not pleasant, my test. So I'll be swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. Going home tonight. Still looking for Mr. Right. I know what I deserve. I deserve the whole damn world. And if you can't provide, then I'ma keep swiping. Maybe I should find my Romeo. Oh, but I'm way too good at being alone. And I didn't even really wanna go. Much better on my own. Now I really wanna go. Cause baby, I'm not the best. Boy, you're missing out on the zest. I don't think I'll be taking a quest. So I'll be swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. Yellow stain on your vest. Yeah, you're really not passing my test.

IDFM en DAB+, DAB+, sur toute l'île de France. And

up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Yeah, we pop up on them like a pinata. Uh-huh. And we going off in this bitch like a siren. What else? Who pop, baby, cause you know I'm a rider. I'm hot like a sauna. Man, I'm hot like lava. Feeling like Fab in a bucket is Prada. Feeling like cash should've came with a comma. I said, Kuna Matata, these bitches don't want a problem. Yeah, yeah, they understood the assignment. I said, ooh, they wanna copy my cool, but they don't know what to do with it. I said, ooh, they tryna fit in your shoes, but they can't do it like you do. Make my day. Tell these bitches they ain't fucking with me. Make my day. You really wanna test me? Make my day. If you bought it, just come show me, baby. Make my day. You wanna get nasty? Make my day. Tell these bitches they ain't fucking with me. Make my day. You really wanna test me? Make my day. Yeah. If you bought it, then come show me, baby. Make my day. Come and make my day. Make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. You got me in my mode. DJ, run it back, let me touch my toes. Couple shots got me in my zone. Go and grab the camera, baby, hit your pose. Party all night, we ain't getting no rest. All about the paper, yeah, we running up a check. I can tell that you want the way you licking on your lips. I know, I know, I know you're next. Party all night, we ain't getting no rest. All about the paper, yeah, we running up a check. I can tell that you want the way you licking on your lips. I know, I know. Make my day. Tell these bitches they ain't fucking with me. Make my day. You really wanna test me? Make my day. If you bought it, just come show me, baby. Make my day. You wanna get nasty? Make my day. Tell these bitches they ain't fucking with me. Make my day. You really wanna test me? Make my day. Yeah. If you bought it, just come show me, baby. Make my day. Come and make my day. Make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Jumping, jumping, jumping, jumping, jumping. Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM. Ambiance sentimentale. Yes sir. Avec DJ Scalp, Magic System, Soprano. Okay, alors? À nous, allons, c'est comme ça qu'il faut. chéri, chéri coco. Ah oui, chéri, chéri coco. Ah oui, chéri, chéri coco. Et les magiciens là. Ah, tu t'as dit quoi? Ah, je suis venu chez vous, magnifique. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Et chez vous? Chez nous, on dit Zakweli. Ah ouais, donc c'est toi qui as raison. Écoutez IDFM en DAB+, DAB+, sur toute l'île de France. Il paraît que

Muñeca, cuando Stop me. That's just the man I am. I'm sorry.

FM en DAB+, sur toute l'île de France. So long, time's up. You told me I would be alright. Cause you think boys don't cry. So I'll keep waiting for the world to say it. Until then, I'm sure I'm fine. So if you're gonna say I'm bulletproof, then come and break my heart. It's strange, on bad nights I gotta make it up to you. Sometimes I want flowers too. You tell me to man up when I finally speak my mind. So now I never even try. So if you're gonna say I'm bulletproof, then cut and break my heart. To be loved, and all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo.

gone, taken away, left me astray, trying to cash in my chips and get out of the plague. Been my last lucky card has been withdrawn from the flesh to the ashes, from the dust to dawn. It's so heavy. Swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go, to the left. I know what I deserve. I deserve the whole damn world. And if you can't provide it, then I'ma keep swiping. Maybe I should find my Romeo. FM 98 FM. Vendredi soir, je vais crêper dans un miroir. Les garicanes rougissent quand tu viens de me voir. Moi, je m'ennuie de ces deux jeunes sans poésie. Je vais perdre pied quand un beau garçon me sourit. Sur tous les toits, Alabama, juste toi et moi. Danser le soir, s'embrasser dans le noir. Alabama, Alabama, je n'ai pas le choix, je prends mon courage et vais le voir. Ses yeux reflètent et remplissent mon cœur. Cette fois c'est lui qui me saisit. Je vais perdre pied quand enfin ses lèvres me choisissent. Alabama, rejoins-moi. Regardons les étoiles, crions sur tous les toits. Alabama, juste toi et moi. Danser le soir, s'embrasser dans le noir.

don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie. CIDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France. Dis-moi où es-tu passé. Je me souviens plus de son nom, de ce qu'on a fait la veille. J'ai fouillé au bout du monde, je suis bien, je poursuis mes rêves. J'ai pas quoi te dire quand tu me laisses des mots. J'ai rien à promettre ici, tout sonnerait faux. J'ai voulu jouer comme à chaque fois. Tu repenses à nous souvent le soir. Tu me dis reviens avant 9 mois. Est-ce que j'assumerai si loin de toi? Et on va assumer. Tu sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Mais des Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Je vais tout te donner. Depuis ce jour-là, je suis condamné. Tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Mais des Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Love him, sorry, ma. I didn't know that you were worried. Love him, sorry, ma. On a des souffrances d'un bébé, yeah. Je veux plonger dans tes yeux, même si c'est dangereux. On est tellement beaux, nous deux. J'aimerais revivre cette histoire. Ensemble de Lisbonne à Paris, on va tanguer à bord du navire. Regarde, j'ai le cœur qui chavire, qui viendra me sauver. On dit vos sextas. Ah, on dit, pour recommencer. Et on va sourire. Tu sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Mais des Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Je vais tout te donner. Depuis ce jour-là, je suis condamné. Tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler. Andiande, Andiande, dis-moi juste t'es caché. Mais dis Andiande, Andiande, dis-moi juste t'es caché. Andiande, Andiande, Andiande, c'est un mouillet. Andiande, dis-moi juste t'es caché. Dis-moi où t'es caché. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi où t'as lâché. On y en est à mon yamama. I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on fevery. Me die to heal my pain. Cause I don't really want to marry Jane. Oh la la la, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. Simple. You're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Emmurer nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait. Mon chantier. Ooh la la la, from my Jimmy to my Jah, every bone in every part of me's aching. Won't you, can't you see, got your brain to get to me, any medicine you give me, I'm taking. Keep it simple, doctor. We'll keep it simple. Taking.